écoute ça. Laissez les rats, schizo, nervi, RAS, FK, Sopra, Soumprod, 91, 92, Missa. Y a toujours de la qualité dans nos bails. On s'installe pour représenter nos cailles. Un drive-by sur les balles, train qui braille. Ça vient de la banlieue parisienne, zone locale. Y a toujours de la qualité dans nos bails. On s'installe pour représenter nos cailles. Un drive-by sur les balles, train qui braille. Ça vient de la banlieue parisienne, zone locale. J'ai pas besoin de grammes dans les biceps. Demande à qui c'est. Je ne connais que le drame dans mes biceps. Folle et la vache qui veut grail mon beefsteak. Je noircis la feuille saine car mon stylo pute peine. Perdre la face, 8 impasses prête ma ville. 91, ça c'est pour ma terre d'asile. Comme pour ma terrazi. Coup de poule à l'acide. Un son plus qui donne une envie de pillage. Nique la justice et Rachida Dati. J'suis surveillé comme Rachida Darty. J'm'en bats les reins cousin. J'suis silencieux, pas besoin de coussin. J'te supprime comme les Yakuza. Nique la police académie. J'ai du styling même si j'mets des ATMI avec un survêt académique. Dès qu'on y a repris c'est le bordel. Short de l'ombre, allume les bougies et souhaite-moi happy birthday. Y'a toujours de la qualité dans nos bails. On s'installe pour représenter nos cailles. Un drive-by sur les balles, train qui braille. Ça vient de la banlieue parisienne, zone locale. Y'a toujours de la qualité dans nos bails. On s'installe pour représenter nos cailles. Un drive-by sur les balles, train qui braille. Ça vient de la banlieue parisienne, zone locale. Trop type détenu, comme convenu, on nous a tenu. Trop de gens scotchés au sol, sur un plat ventre. Sont étendus, entendus, c'est vendu. À la fin du compte rendu, certaines personnes ne sont plus détendues. Alors on gratte, gratte, pendant qu'il y en a d'autres qui braquent, braquent. Et y'a les schlacs qui craquent, craquent. Le son d'Elvis ça claque, claque. Entre potes, on baisse ses putes. Et on se comporte sans scrupule. Excusez-nous si on s'emporte. Prends sur l'instru, ça y est, tout le monde ferme sa gueule. J'ai déjà fait ce que j'avais à faire, maintenant c'est l'air belle. J'gueule, j'poxe le mic et j'rappelle ma putain salive. Je souhaite juste que mon fils, je le trimballe en passant. Je veux pas finir le sale rap, boycott comme Arafat. Le rap c'est comme au foot, je me mange des tacles et y'a pas de faute. SPYK, laissez les rats. Si t'aimes pas, bah va te faire foutre. Le rap on va le baiser et ce, sans bon de prod. Y'a toujours la qualité dans nos bails. On s'installe pour représenter nos cailles. Un drive-by sur les balles, train qui braille. Ça vient de la banlieue parisienne, zone locale. Y'a toujours de la qualité dans nos bails. On s'installe pour représenter nos cailles. Un drive-by sur les balles, train qui braille. Ça vient de la banlieue parisienne, zone locale. T'inquiète. Aïe, c'est les rats. T'inquiète. Schizo, RAS, mon gars. T'inquiète. FK plus de classe. Au présent. T'inquiète. SPYK, NRA, CER, NERBI, FK plus de classe. Aïe, aïe, aïe. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on bat tout fissère. On est hard. T'inquiète, y'a toujours de la qualité dans nos bails. On s'installe pour représenter nos cailles. Un drive-by sur les balles, train qui braille. Ça vient de la banlieue parisienne, zone locale. Y'a toujours de la qualité dans nos bails. On s'installe pour représenter nos cailles. Un drive-by sur les balles, train qui braille. Ça vient de la banlieue parisienne, zone locale. Aïe, aïe, aïe.